Bah justement, en parlant de toi, on a reçu quand même pas mal de petits quotidiens, hein, d'hebdomadaires. Ah ouais, donc on a reçu le connard enchaîné, on a reçu l'excrément du jeudi. Mmh. On a reçu je peux t'en lire deux trois morceaux si tu veux. Non, tu les lis pas. Non, tu les lis pas longtemps. Attention, c'est un truc que Gérard, faut savoir que quand même que c'est un truc que Fildar a récupéré in extremis. Donc ouais. c'est grâce à Fildar si ça ne va pas pareil, parce qu'il a chopé le mec qui est en train de l'imprimer. Écoute, on va lire quand même le truc pour dire que ça aussi, je peux vous le dire que moi personnellement, je vais le garder et ça va aller au commissariat de Bayard. Ouais, parce que ça aurait pu être sur internet aussi. Ouais, heureusement qu'il était là. Donc il a écrit en fait donc dans le connard enchaîné l'historique de Gérard. Donc nous venons d'apprendre par nos envoyés spéciaux une chose incroyable. Il est de retour dans le temps surnommé Trou Noir. Il faisait ravage dans les rues, partout où il allait, ça sodomisait. Nous allons tenter d'élucider ce problème. Janvier 59, arrivé en maternelle à l'âge de 7 ans, est surnommé le visiteur, et Dieu sait qu'il en a visité des culs. Puis, arrivé en primaire, ce fut la terreur. Gérard n'était plus le même. Tout ce qu'il voulait, c'était sodomiser et jouir. Par malchance, beaucoup de ses petits copains y sont passés, et en garde de mauvais souvenirs. Témoignage d'Henri. Je me souviens comme si c'était hier. Je me promenais dans la rue. T'arrêtes. T'arrêtes. C'est là qu'il faut en parler, Gérard. C'est là où ça va aller au procès. Non, mais ce qu'il va lire là, ça va aller au procès. Écoute bien, parce que là, je rigole pas. Le mec qui a fait ça, il va être très très mal. Parce que j'ai son numéro en plus et je vais l'appeler moi en privé après pendant les débats. Je me souviens. On l'appelle tout de suite en direct. Après, juste après. Comme si c'était hier. Je me promenais dans la rue pour aller chercher du pain. Et quand je suis sorti de la boulangerie, il m'a sauté dessus. Après m'avoir forcé à lécher ses aisselles, je suis tombé dans les pommes. En me réveillant, j'ai vu que je saignais du cul. Cet enfoiré m'avait enfoncé la baguette jusqu'à saignement. Il n'est pas humain, ce mec. Janvier 92, ce fut la renaissance de Gégé. Il trouva un boulot dans une discothèque dont je me tairai le nom Tchou-Tchou. Du moins, c'est ce qui faisait croire, car en fait, il était videur de boîte à caca, un travail qui lui rappelait tous ses anciens souvenirs de jeunesse. Mis à part que là, les rôles avaient changé, et c'est lui qui se faisait vider. Sa première expérience, me déclara Gérard, fut quand il se fit prendre dans l'œuvrette, puis tout en train de lécher les couilles de Monsieur X, il criait « Allez hop !» Ce fut génial, j'ai encore eu 3 cicatrices à l'arrêt. Ouais, ben maintenant, tu sais ce que tu as à faire. Mm-hmm. Maintenant que tu as son numéro, tu vas l'appeler en direct. Ouais. On va s'amuser avec lui. D'accord. Bon, on va l'appeler. Ah ouais, mais non. Le numéro est dans le bureau. Ah, non, mais ça va être occupé parce qu'il est sur l'IRC. Ah merde. Ah non, si, il est là-bas. De toute façon, s'il est pas là, le mec dans le bureau, il y a sa nana. Je sais qu'il est accroché à l'IRC comme ça. Si, tu l'as le numéro. C'est le truc que je t'ai mis sur le papier là tout à l'heure. Ah ouais, d'accord. Voilà. Alors on va l'appeler le mec. Franck, tu raccroches. Mais sinon, on va tomber peut-être sur sa nana. Je sais pas, on va peut-être tomber sur sa nana. Mais en tout cas, moi, je veux dire, ça va chier. Là, le mec, ça va jongler. C'est en rouge allumé. Attention. J'espère qu'il est là, comment il s'appelle, Fangio, hein, c'est ça? Ouais, Fangio, ou Sanana. Babette. Allô? Oui, allô? Bonjour, oui. Oui, allô? Fangio? Oui. Ouais, salut, t'es en direct sur Fun Radio avec Max. Oh là, attends. Ouais, avec Max et Chira. Je ferme les portes parce que là, j'étais pas au courant, là. Ah, t'es pas au courant? Ah, c'est qui, là, à côté? Comment? Ah, c'est Gigi. Salut. Ouais, bah t'es en direct sur Fun, mon pote, et on a le magazine que Fildar a réussi à récupérer, que t'es en train d'imprimer, et j'ai envie de te dire deux, trois trucs. Comment vous l'avez eu? Comment qu'on l'a eu? T'avais qu'à pas l'envoyer à la radio? Voilà. Non, mais je l'ai intercepté en dehors de la radio. Hein. Je l'ai pas envoyé, Ouais. Alors lis la suite, justement, tu vas venir si c'est bien toi qui as écrit ça à la fin, là. En sortant des chiottes, il vit Max mixer et se dit, mais je l'ai déjà vu quelque part, lui. Et vit 101.9 sur une enseigne tout de suite, dans sa tête, 15 minutes plus tard, il se dit, tiens, je vais voir Henri. Lui, il a le téléphone. Après 2 heures de débat avec Henri, ils conclurent que 101.9 était une fréquence radio et non pas un numéro de téléphone. Ouais. C'est là que le cauchemar commença, pour ce qui allait être plus tard la Dream Team. Janvier 97, et bien malheureusement pour le standard, Gérard appela tous les jours jusqu'à promettre de venir sodomiser le gardien de Fun Radio. Ouais, ça. Il passa à l'antenne dans sa cabine de Suresnes et raconta sa triste pauvre vie à Max, pauvre qui était aussi attentionné d'écouter. C'est un gros PD, donc on a écrit ça, quoi, c'est pour ça. Un gros PD, t'emmerde, espèce de con. D'accord. Mais c'est Henri qui... moi je suis pote avec Henri, c'est pour ça que j'ai tout ça et qu'on a refait ça. Henri, c'est un mec cool. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Prends les gens pour les cons. Toi, marque-toi. Marque-toi pas derrière. Ouais, C'est un torchon. Nous, c'était plutôt l'histoire de sodomie de Sandy qui nous a bien fait rigoler avec la bouteille d'eau. Ouais, mais Sandy, à t'emmerde. Voilà. On s'est dit que Gérard... Sandy, t'emmerde. Voilà, c'est pas la peine d'en rajouter. C'est comme le café Sandy, à t'emmerde. Voilà. Bah pendant que t'es là, c'est peut-être Lucy qui a, c'est toi qui as fait l'autre magazine. L'extrêmement du jeudi. C'est toi aussi l'extrêmement du jeudi. C'est là qu'on en a fait plusieurs parce que on est assez fan de, on est assez fan de gros connard quoi. Donc ouais, gros connard, il t'emmerde, espèce de con. Alors Lee, qu'est-ce qui a marqué? Il y a deux trois gros titres, pardon. Il y a le record d'alcoolémie à Suresnes. Ouais. Et la salope. C'est drôle, c'est les flics qui nous l'ont donné. Ouais. Et la salope de la loco réapparaît. Ouais. Ça, c'est tout. Alors là, je vais te dire une chose, tu vois, Pildar. Oui. Tu vois, je veux bien être gentil avec toi ce soir, ouais. Mais là, je crois que ce soir, tu débordes des... Ah, mais il est pour rien. Toi, tu fermes ta gueule. Il est pour rien. Toi, tu fermes ta gueule. Non, attention, pas d'insultes, hein. Commencez comme ça, Gérard, doucement. Toi, pour un son, tu la fermes. Alors, ma grosse salope, à ton merde. Mais c'est toi, la salope, pour eux. C'est pas... Ouais, non. Ah, c'est toi, on parlait de toi. C'est toi, la loco. Ouais, ouais, mais moi, je t'emmerde. Non, ça va. Alors, si c'est lui, ça va encore. On parlait de toi, j'ai... Bien sûr. Ouais, ouais. C'est toi, la petite salope. Ouais, petite salope, j'ai pas encore, je me suis pas fait travesti. Ouais, enfin, t'as bien sûr sur domicile dans la chambre de la loco. Ouais, c'est ça, t'as raison, espèce de con. Non, parce que justement, tu vois, il parle bientôt, parce que c'est marqué vendredi dernier, Gérard C. est en effet réapparu sur les lieux de ses anciens méfaits, et il a repris comme si de rien n'était ses anciennes activités. Si c'est plus cher. Voilà. Ouais, alors là, je vais te dire une chose, tu vois, Pildar, un truc comme ça. Je serais quoi? Je fermerais ma gueule. Ouais. J'éteindrais mon micro, je ne dirais pas à l'antenne. Ouais. Le Fulgar, il fout la merde, de toute façon. Mais attends. Toi, tu fous la merde parce que t'envoies des saloperies. Ouais, mais il avait qu'à pas le lire à l'antenne, Fulgar. Non, parce que moi, il y a un petit con. Un petit branleur qui s'amusait à m'envoyer des trucs sur radiophonique. Et ça. Non, mais attends, ça, c'est un vrai magazine, Gérard, qui est. Ouais, non, mais ça. Mais je l'ai reçu, moi aussi, je l'ai, c'est un magazine qui existe vraiment, c'est un magazine, ils ont voulu t'en donner un exemplaire, regarde. Et nous, on l'envoie chez les gens directement. Non, mais ça, c'est un vrai magazine dans lequel il y aura Bob, d'ailleurs, qui fait le matin entre 6h et 9h pour le prochain interview, et le monsieur que tu vois au début, c'est Jean-Jean, qui est animateur à RTL, et qui, comme il parle de moi, et donc un peu de toi, dans l'interview, parce qu'il aime bien, voilà, il t'a envoyé un exemplaire. Voilà. Et il voudrait m'interviewer, d'ailleurs, dans le mois prochain, il y aura Bill également, Bill de Europe 2, qui sera interviewé, et il y aura Bob. Non, mais c'est un vrai magazine, ça, Gérard, c'était pour te faire plaisir, c'est moi qui te l'avais mis de côté, ça fait 15 que c'est là. Hein. Bah nous, donc c'est un vrai magazine, c'est qui te permettra, tu verras, c'est un vrai interview, on parle pas de toi du tout dedans, c'est juste un cadeau qui a été fait par les gens, c'est des jeunes qui font ça. Voilà, ouais, voilà Gérard. Il faudrait peut-être que ça commence à cesser cette histoire, non, mais ça commence à bien faire. Voilà, mais ça tu le gardes et tu le liras, c'est pour toi perso, c'est un cadeau. Voilà. Ça commence à bien faire. Hein, voilà. Donc, je suis content que tu le prennes comme ça, Gérard. Non, mais attends, moi... La bonne soirée à toi, connard.